Dimitri Shostakovitch, le 7e quatuor en fa dièse mineur opus 108, le quatuor Borodine composé de Mikhaïl Koppelman, Andrei Abramenkov violon, Dimitri Chebalin alto et Valentin Berlinski violoncelle, concert donc qu'ils avaient donné à Paris au théâtre des Champs-Élysées le 8 octobre 1989. Pour terminer ce concert, il continuait avec Shostakovitch, le 8e quatuor opus 110, œuvre sans doute la plus connue de Shostakovitch, en tout cas dans le domaine du quatuor. Ce quatuor qu'il a été inspiré par des images, par le cinéma donc, puisque au départ il s'agit d'une musique de film sur la chute de Berlin. Quatuor là aussi avec des moments très violents, quatuor aussi où la signature Shostakovitch, DSCH, apparaît très très clairement et avec des thèmes qui sont très voisins du premier concerto pour violoncelle. Nous l'écoutons donc avec le quatuor Borodine, Mikhaïl Koppelman, Andrei Abramenkov, violon, Dimitri Chebalin alto et Valentin Berlinski violoncelle. Thank you. Thank you.